Et Hall, sur une branche de l'arbre du conseil. La nuit tombait. Le conseil voulait délibérer Booz, Mila et moi, étions donc sortis pour les laisser choisir leur avenir. Nous ne pouvions le faire pour eux. Nous n'avions aucun droit ici. Sauf peut-être celui de rester et de combattre Ratis. Même à trois s'il le fallait. Même si nous ne pouvions pas changer grand-chose. Au moins nous devions essayer. Ah ouais, les mecs! Hey! Les vieux sont encore en train de papoter! Bender venait de se poser sur la branche où nous étions tous les trois assis, les jambes dans le vide. La chauve-souris sautillait sur cette petite patte. Et ils vont en avoir pour la nuit, hein. C'est toujours comme ça quand ils sont tous les quatre réunis. Vous feriez mieux d'aller vous coucher? Ouais, c'est ce que je vais faire. Parce que je commence à avoir les paupières qui glissent. Je vais rester. Si jamais ils se décident, j'irai me coucher plus tard. D'accord. Booz rejoignit le bout de la branche où pendait une échelle faite de cordes tressées. Il commença à descendre. Bon, je vous laisse. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Bonsoir, Bender. Je vais y aller aussi. Bonne nuit. Mila? Oui, Squeak? Quand t'étais dans le coma, avant que tu te réveilles, tu te souviens de ce que j'ai dit? T'as entendu tout ce que je t'ai dit? Non. Pourquoi? Tu m'as dit quoi? Je me suis levé. En bas, et Hall dormait. Non. Rien d'important. Rien d'important. Je me suis dirigé vers l'échelle. Squeak. Je me suis retourné vers Mila. Elle était belle, assise sur la branche, les jambes pendant dans le vide, la lumière de la lune brillant dans ses yeux. C'était important pour moi. C'est et ça restera important. Je n'ai pas su quoi dire. Elle se souvenait alors. Elle se souvenait. Mais je savais pas quoi dire. À part, bonne nuit, Mila. César, vous avez délibéré? Vous avez choisi? Les autres discutent encore, mais je pense connaître déjà la réponse. Alors, vous comptez faire quoi? Fuir ou défendre Éol? Mila, j'ai quelque chose à vous montrer. Venez, montez sur mon dos. Que je monte sur votre dos? Oui, sur mon dos, enfin. Vous n'avez pas de griffes. Vous ne pourrez pas vous rendre là où je veux vous emmener. Oh non, vous n'allez pas sauter de branche en branche, quand même. Ne discutez pas, Mila, et montez sur mon dos. Bon, très bien, très bien. Alors, je monte sur votre dos et... C'est parti. Arrêtez-vous! Je veux descendre maintenant! Nous sommes bientôt arrivés. Plus que quelques arbres et... Voilà, nous y sommes. En haut d'un des arbres les plus grands d'Éol. L'arbre le plus au nord. Ouh! Je descends de votre dos. Faites attention à la branche où nous sommes. Elle est souple. Vous pourriez tomber. Ouh, pour un vieil écureuil, vous sautez encore drôlement bien. Oui, j'ai eu beaucoup d'enfants. Pardon? Derrière vous, Mila. Regardez derrière vous. Qu'est-ce que c'est? D'ici, nous avons une vue sur ce qui nous fait peur à tous ici, à Éol. D'ici, nous voyons ces lumières s'éclairer chaque nuit, Mila. On dirait... Ça ressemble à Wish City. Je veux bien vous croire, mais ce n'est pas Wish City. C'est la ville des hommes. Ils en ont des milliers comme ça. Regardez ces grandes tours qui s'élèvent plus haut que les arbres. Ces lumières qui brillent et masquent les étoiles. Écoutez... Le son en fond, le son des humains, le son du chaos. Pourquoi me montrer ça? Pour que vous compreniez. Ne nous jugez pas trop hâtivement. Nous avons peur, oui. Peur des hommes, peur des Bifouiches, car vous êtes semblables, si semblables. Les hommes s'étendent, ils élèvent leurs arbres à eux, faits d'une matière si dure qu'ils nous dominent. Si nous nous trouvons sur le passage d'un homme, il essaye de nous attraper ou nous écrase. Demandez à Ziggy combien de fourmis sont encore collées sous les pattes des hommes. Ils sont immenses. Mais nous sommes petits. Vous n'avez rien à craindre de nous. Si, Nous ne voulons pas être pris entre deux feux, entre les hommes et les Baïfouïch. La technologie, le savoir que vous cultivez ne nous intéresse pas. Nous ne cherchons pas à expliquer pourquoi la nuit, pourquoi le jour, comment l'eau coule, comment la nature vit. Nous ne cherchons qu'à survivre. Et c'est déjà assez difficile comme ça. Vous voulez dire que jamais vous n'accepterez les Baïfouïch? Que vous les considérez toujours comme ennemis? Il y a encore un mois, je vous aurais peut-être dit ça. Non, maintenant, je dis juste qu'il nous faut du temps pour nous comprendre. Comprendre votre culture, ce qui vous intéresse et pourquoi, et l'accepter. Et vous devrez faire pareil avec nous. Mais pour l'heure, le dialogue sera difficile. Le problème ne se pose même pas, César. Les Baïfouïch sont à Wish City. Nous ne pourrons peut-être même pas retourner chez nous et vous n'aurez jamais de... Vous avez trouvé un moyen? C'est ça? Je me doutais qu'il fallait en arriver là avant que vous parliez d'alliance. Je ne suis pas sage des Halls pour rien, Mila. Quoi que vous en pensiez. J'ai envoyé des émissaires auprès de votre peuple. Comme les rats, nos pattes sont munies de griffes. Alors qu'il est, ils ont dû dégager le tunnel que votre père avait bouché il y a bien longtemps. Vous êtes allé demander de l'aide à notre peuple? Tout du moins les prévenir. Peut-être agiront-ils à temps, peut-être pas. Peut-être que mes écureuils se perdront dans les tunnels et mourront. Ou peut-être pas. César, je me suis trompé sur vous. Oh, je n'ai toujours fait que défendre ce en quoi je croyais. Je suis désolé de tout ce qui vous arrive. Le plus dur reste à venir. Baïfouïch.